J'aime être solo, mon frère j'ai pas besoin de coloc. On peut prendre ta thèse avec un convoi de loc. Pourquoi tant de haine? Coffs, la crème, Glock 9M, un laser pour te faire pull-up. Il part mais qu'est-ce qu'il court? Vite on te fume à la vraie. Une larme de whisky coule sur ma joue balafrée. Autour de toi les bandes jaunes, ton corps retrace à la craie. Mon cœur la ville Alcamos, son de couleur blanc nacré. J'y suis arrivé malgré qu'il y ait des grosses putains. Mon blazer m'éladré, des ennemis j'en ai plus qu'un ou deux, mes frappes sont bien cadrées. J'baisse des madrés, t'as pas assez, t'es pas prêt. Vite up, j'suis frais comme le petit frère d'Mbappé. En principe en papier, frérot ils n'ont pas pied. Bow. J'vois pas où tu veux en venir, mais je sais lire l'avenir. J'vais chercher le machin, ça va faire bang bang bang. Fallait pas trop me nuire, j'vais chercher le machin, ça va faire bang bang bang. T'as voulu venir, maintenant tu fais le choquer quand ça fait bang bang bang. De couilles vaut mieux qu'un chargeur plein. Le frigo était vide alors j'ai cherché le plein. J'ai monté les tarots car quand c'est cher c'est bien. Il paraît qu'on me cherche alors vous cherchez bien. Je connais les jaloux et leur vie ça de balles. Si tu me fumes je serai vengé. Oh là je suis pas tout pack. Je suis pas tout part mais je vois tout. Oui j'entends tout. Les gens autour m'ont dit t'inquiète on les pèse tous. J'ai la baraka et une baraka fric. En Afrique mes frérots crèvent. Je leur envoie du fric. C'est la crise. Ces bâtards nous méprisent. Je suis dans ma matrice mais sur ma mère je les maîtrise. À Marseille on me connaît. Toi tu as déconné. Maintenant tu veux me coller pour que les autres croient que t'es épaulé. Bah ouais, ils ont un fils de merde. Tu faisais ton voyou, ben maintenant tu te démerdes. Je sais pas où tu veux en venir, mais je sais lire l'avenir. Je vais chercher le machin, ça va faire bang bang bang. Fallait pas trop me nuire, je vais chercher le machin, ça va faire bang bang bang. T'as voulu venir, maintenant tu fais le choquer quand ça fait bang bang bang. Je vois pas où tu veux en venir, mais je sais lire l'avenir. Je vais chercher le machin, ça va faire bang bang bang. Fallait pas trop me nuire, je vais chercher le machin, ça va faire.